La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'astronomie ou l'art d'abolir le flou. Durant l'hiver 1609-1610, profitant de quelques nuits claires, Galilée observe à travers la lunette astronomique qu'il a lui-même perfectionnée le caractère accidenté de la surface lunaire, puis les phases de Vénus et les satellites de Jupiter. Les images qu'il découvre sont floues, imprécises, mais suffisamment riches et originales pour lui révéler que le ciel n'apparaît pas comme la sphère parfaite, lisse et immuable à laquelle on a cru jusqu'alors. Dans la foulée de ses observations, Galilée propose de renoncer à la distinction aristotélicienne entre le monde local, supposé imparfait et corruptible, et le monde lointain, supposé parfait et incorruptible, composé d'une quintessence inaltérable. Pour la première fois, le ciel et la terre se rejoignent dans l'esprit d'un homme. Et dès lors que la matière est partout la même, terreuse ici comme sur la lune, il ne faut envisager qu'une seule sorte de monde, composé d'une seule sorte de matière, partout soumise à des lois universelles. Bref, il existe un univers et un seul. Une nouvelle façon de regarder au loin aura donc suffi à déclencher une révolution de premier ordre. Depuis, ayant retenu la leçon, les astronomes n'ont eu de cesse de discerner des détails de plus en plus fins, de lutter contre le flou à coups de ruses savantes et de miroirs sophistiqués. Après la découverte des exoplanètes en 1995, où en sont-ils de leur quête? Que parviennent-ils à voir? Qu'espèrent-ils découvrir? À quand la prochaine révolution? Pour répondre à ces questions et à d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Léna. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, professeur émérite à l'Observatoire de Paris et à l'Université Paris Diderot, et vous êtes l'un des concepteurs du VLT. Le VLT, c'est le Very Large Telescope européen, qui est installé au Chili, et vous êtes le père ou l'un des pères de ce qu'on appelle l'optique adaptative. On va revenir sur cette technique scientifique, disons, qui a révolutionné la façon de regarder le ciel depuis la Terre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que nous évoquions ensemble la figure de Michel Serres, qui vient de disparaître, dont vous avez été très proche, et je voulais que vous en disiez quelques mots, notamment à propos de sa passion très forte pour l'astronomie. J'ai connu Michel Serres, dont la perte m'a plongé dans une grande tristesse, comme beaucoup de nos concitoyens. Il y a maintenant près de plus de 30 ans, lorsque un réalisateur de cinéma, Robert Panser-Besson, m'a téléphoné en me demandant de m'engager auprès d'un philosophe que je ne connaissais pas, sinon de nom, normalien, ce qui nous rapprochait en un sens, pour faire une grande série télévisée sur Tour du Monde, Tour du Ciel. Il s'agissait d'une longue histoire des observatoires astronomiques commentée par le philosophe et l'angle histoire des sciences, qui était celui de Michel, et moi-même, l'astrophysicien. Et nous avons travaillé pendant 3 ans pour ce film, qui a été un ces films, puisqu'il y a eu 10 émissions sur la télévision, et certains de nos auditeurs, les moins jeunes, s'en souviennent certainement encore. Et beaucoup de mes étudiants en astrophysique, dans les décennies qui ont suivi, sont venus me voir en me disant « j'ai vu ce film, j'avais 8 ans ». Il m'est même arrivé de rencontrer dans le Kera un berger vers 2500 mètres d'altitude avec son troupeau. Et il m'a dit « je vous connais ». Et je lui ai dit « mais comment ?» Il m'a dit « mais oui, je vous ai vu à la télé, vous parliez des observatoires astronomiques ». Donc Michel s'est révélé à moi comme un extraordinaire conteur, et puis plus tard comme un ami et comme un inspirateur et comme une vision notamment de l'éducation. Et je me souviendrai toujours de cette séance à l'Institut dans laquelle son intervention il y a 7 ans était petite poussette, et ça a donné le livre qui a eu un tel succès de librairie. Michel, une très belle figure qui nous inspirera tous, je crois, pendant longtemps. Pierre Léna, vous parlez de cette célébrité que donne la télévision, et moi j'ai entendu Michel Serres justement raconter une histoire à propos du rôle que joue la télévision dans le fait d'être connu ou pas connu. Il racontait que Un jour, une dame l'avait arrêté place de la Nation et lui avait dit « Oh, vous, je vous connais, je vous ai vu à la télévision, vous êtes Hubert Reeves. » Michel Serre de répondre « Ah non, madame, je suis désolé, moi, c'est Albert Einstein. » Et la dame répond « Ah, je connais pas. » Merveilleuse histoire. Voilà. Et donc, sur la relativité de la célébrité, disons. Alors, je voulais vous interroger, Pierre Léna, vous qui connaissez parfaitement l'histoire de l'astronomie de ces 40 dernières années, 50 même, 50. Quelle émotion avez-vous ressentie en découvrant, peut-être un peu avant tout le monde, la première image d'un trou noir qui a été montré le 10 avril dernier, un trou noir débusqué au centre de la galaxie M87 et situé à 50 millions d'années-lumière. Est-ce que vous vous attendiez à voir un jour une telle photographie? Alors, est-ce que le mot photographie, d'ailleurs, est le bon? Oui, je m'y attendais d'autant plus que le chantier parallèle sur l'observation des trous noirs à très courte distance de cette singularité de l'espace-temps, elle peut se faire de deux manières. Soit par le réseau de radiotélescopes qui a donné l'image dont vous parlez, et donc photographie, oui, non, si on veut, en tout cas image. Ah, c'est pas le trou noir lui-même qu'on voit, c'est l'effet qu'il produit sur la lumière. C'est son environnement. Hein. Et puis, autre méthode pour observer ce trou noir, l'instrument dont nous allons parler, un abolisateur de flou, hein, installé au Chili, fonctionnant, lui, aux longueurs d'onde infrarouges, alors que l'image que tout le monde a vue était produite aux longueurs d'onde millimétriques. Et cette image infrarouge, moi, je l'ai vue il y a déjà plusieurs années sur ce télescope. Et donc, j'étais heureux de voir que les compétiteurs ou concurrents, en quelque sorte, puisque c'est une équipe américaine associée à un grand nombre de partenaires dans le monde, qui a produit cette image. Il y a 10 radiotélescopes répartis sur toute la surface de la Terre. Voilà, oui. Mais que notre projet dans l'infrarouge nous avait donné une vision de l'environnement immédiat du trou noir quelques années avant. Avant qu'on parle d'astronomie avec des instruments, est-ce qu'on pourrait parler de l'œil? L'œil, c'est un instrument optique, sophistiqué. Est-ce qu'on sait dire quand est apparu l'œil dans l'histoire de l'évolution? Quels sont les animaux les premiers à avoir bénéficié d'une telle capacité à voir? L'histoire de l'œil est une histoire absolument extraordinaire, évolutive. Hein. Le début commence il y a environ 550 millions d'années. Moi, j'admire beaucoup qu'on ait été capable de reconstituer, à partir de fossiles, la première étape de l'œil, c'est-à-dire l'apparition de cellules photosensibles, donc sensibles à la lumière, à la surface de la peau, puis une cavité qui se creuse et qui, au fond de laquelle vont se trouver ces cellules, ce qui donne à l'animal une plus grande facilité pour discerner la direction d'où vient la lumière, donc c'est un avantage évolutif, et à partir de là, en un temps très court, enfin si l'on veut, puisque c'est environ 50 millions d'années, eh bien l'œil, quasiment notre œil actuel, se met en place avec ses propriétés très remarquables d'orientation au sein du globe oculaire, de focalisation avec la mise au point du cristallin, de capacité de diaphragme avec l'iris. Et tout ça, eh bien ensuite, ça traverse 500 millions d'années avec des améliorations qui ne sont que progressives. L'œil a été inventé finalement assez vite et dans une structure très extraordinaire, au point que certains arguments en faveur de l'intelligent design, hein, que je ne partage pas d'ailleurs, ont contesté le fait que cette évolution ait pu être le fruit du hasard et de la nécessité. Mais est-ce que l'œil, dans son domaine, dans l'ensemble des longueurs d'onde auxquelles il a accès, demeure un instrument utile et difficile à battre par des instruments plus techniques ? Utile au quotidien, oui, certainement. Hein. Je parle de utile aux astronomes, dans la vie quotidienne également. Utile pour regarder le ciel et faire des mesures. Non, bien sûr, il est remplacé par des instruments, des détecteurs photoélectriques, comme ceux qu'on a dans notre téléphone portable. Mais utile pour notre perception de l'étonnement, l'admiration de la beauté du ciel, irremplaçable, je dirais, plus qu'utile. Irremplaçable. Alors j'ai cité dans mon introduction, Pierre Léna, la découverte des premières exoplanètes en 1995 par Michel Mayor et son étudiant Didier. La première. La première, oui. Il y en a eu beaucoup d'autres après, on est à quelques milliers aujourd'hui. Oui. Et son étudiant Didier Queloz. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour repérer cette première exoplanète ? La quête avait commencé il y a très longtemps. Vous savez que le premier texte que l'on connaisse qui cite l'idée de l'existence d'autres mondes, autre monde que la Terre, hein, il date de Démocrite, hein, donc de l'Antiquité grecque, pré-socratique. Et puis la quête a fasciné les astronomes, et on a évidemment la connaissance des planètes de notre système solaire, mais la question qui a traversé l'histoire, en particulier depuis le 19e siècle, c'est y a-t-il d'autres systèmes analogues à notre système solaire, avec une ou plusieurs étoiles, et autour de cette étoile, des planètes en orbite, qui ressemblent ou qui ne ressemblent pas à Jupiter, à Saturne, à la Terre. Et cette question n'a pas trouvé de réponse malgré des essais d'observation jusqu'en 1995, comme vous le rappelez. Et la raison est assez simple, c'est que discerner un objet aussi faible, aussi peu brillant et si proche d'une étoile, elle, très brillante, est techniquement extrêmement difficile. Et c'est le grand succès de 1995, mais qui n'a pas été une photographie de la planète, mais une mesure très précise de l'effet de la planète autour de l'étoile 51 Pégase sur le mouvement de l'étoile. Un effet gravitationnel. Un effet gravitationnel. Et un peu comme Le Verrier avait découvert la planète Neptune par les perturbations gravitationnelles sur l'orbite de Jupiter et de Saturne. Donc finalement, la première image d'une exoplanète, c'est Anne-Marie Lagrange, une astrophysicienne française, membre de l'Académie des sciences. Dont vous parlez dans votre livre. Professeure à Grenoble, pour laquelle j'ai une immense estime, et je crois que je ne suis pas le seul, qui a fait la première image, utilisant justement ces techniques de lutte contre le flou, en 2003, au Chili. Ce qui nous amène, Pierre Léna, directement à votre livre, qui s'intitule « Une histoire de flou », avec comme sous-titre « Miroir, trou noir et autres mondes », dans lequel vous revenez sur cette histoire de l'astronomie, de l'instrumentation optique, à laquelle vous avez notamment apporté des contributions décisives. Et vous parlez d'un personnage que vous avez bien connu et admiré, Antoine Labéry, et notamment d'un article de 3 pages qu'il a publié en 1975. Enfin, il y a deux articles fondateurs, l'un en 70, l'autre en 60. En tout cas, ils sont très courts. Oui, très courts. Et ils ont marqué l'histoire de l'astronomie récente. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était ce personnage, Antoine Labéry, et ce qu'il a écrit dans ces quelques pages? Antoine Labéry, qui est aujourd'hui professeur honoraire au Collège de France, a joué un rôle très fondamental dans cette longue lutte, quête contre le flou des images. Pour résumer cette quête en quelques mots, Newton avait compris que les images observées depuis la surface de la Terre étaient floues irrémédiablement à cause de l'agitation de l'atmosphère terrestre. Je parle des longueurs d'onde optiques, la lumière visible, qui était celle que Newton pouvait observer. Et cette limitation, qui avait d'ailleurs empêché Galilée, que vous évoquiez tout à l'heure, de voir que Saturne avait des anneaux. Ce flou, qui était dû à la fois à la mauvaise qualité relative de sa lunette et à l'atmosphère de la Terre, lui avait fait dire que Saturne était une planète triple. Trijumelle. Trijumelle, ouais, exactement. Et les anneaux ont été observés un peu plus tard autour de Saturne. Donc ce problème du flou est demeuré pratiquement jusqu'aux années 1960. Et la solution qui a été proposée à l'époque, qui était évidemment bonne, c'est puisque l'atmosphère nous gêne, montons au-dessus. Sortons. Donc mettons un télescope sur un satellite. Et c'est la grande aventure du télescope spatial Hubble, qui n'avait pas un diamètre considérable, 2,40 m, mais qui avait comme fonction de faire des images dans le visible et l'ultraviolet proche, des objets célestes en étant débarrassés de cet effet atmosphérique de flou. Et la rupture introduite par Antoine Labéry, qui était tout jeune à l'époque, hein, c'est au moment de son doctorat, donc il avait 25 ans, hein, c'est de dire peut-être que cette barrière du flou que nous rencontrons depuis la surface terrestre, elle peut être franchie et moi, Antoine Labéry, je pense que j'y arriverai. Pour ce faire, il utilise le grand télescope de 5 mètres du Mont Palomar, dont le flou est imposé par l'atmosphère de la Terre, et en regardant très attentivement l'image d'une étoile, il s'aperçoit qu'il reste de l'information dans cette image. Et que cette information, on peut, à l'aide de techniques numériques, la retrouver et donc voir des détails sur la taille de l'image de l'étoile d'abord, et puis plus tard, ça sera des détails de la surface de l'étoile, ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et ça, ça introduit une rupture radicale dans la façon dont on pensait, depuis Galilée et Newton, l'impossibilité d'avoir des détails sur les images. Et c'est toute cette histoire qui a transformé l'astronomie depuis 50 ans, qu'Antoine Labéry a initié d'une certaine manière et que nous avons essayé collectivement de continuer avec son concours, bien sûr. Alors, je vous propose, Pierre-Léna, que nous racontions, que vous racontiez cette histoire plutôt. Mais si j'ai bien compris, ce que dit Labéry dans ce premier papier de 75, c'est que le flou contient des structures qui contiennent de l'information. Voilà. C'est le point que je soulignais mais là. C'est, voilà. Mais est-ce que ça vient d'une constatation ou est-ce qu'il avait l'idée qu'il devait y avoir à l'avance de telles structures? Bon, tout le monde avait dans l'idée qu'il y avait un détail, en particulier le diamètre d'une étoile. Voyons une étoile qui fait le flou d'une image astronomique, c'est de l'ordre de une seconde d'arc. Hein. Une seconde d'arc, c'est petit, hein. C'est à peu près le 60e de ce que l'œil humain est capable de résoudre. Hein. Et le diamètre de la plus grosse étoile, Bételgeuse, que l'on trouve dans le ciel, c'est le 20e de ça. C'est 20 fois plus petit que cette tâche. Donc, on avait l'idée de ce diamètre parce qu'il avait été mesuré par d'autres techniques qui sont aussi présentes dans mon livre, hein, l'interférométrie, que Labéry d'ailleurs va également, 5 ans après ce premier article, réintroduire dans la modernité. C'est le deuxième volet de ce récit. Hein. Donc, on avait l'idée que, on savait déjà que le diamètre de Bételgeuse était de l'ordre de 50 millisecondes d'arc, le 20e de la tâche floue. Et il va montrer que il peut mesurer ce diamètre. Alors, il n'ira pas jusqu'à chercher des détails sur la surface de Bételgeuse, des taches comme sur le Soleil, ce que l'on a aujourd'hui, mais son travail de 1970 va marquer un franchissement. Et tout son talent, je pense, ou génie si l'on veut, a été de voir que dans l'image, il y avait bien cette information dont vous venez de parler. Alors, quel vocabulaire qu'il utilise pour dire ces espèces de grains qui apparaissent dans l'image? Alors, ces espèces de grains, ils avaient été déjà évoqués, mais par quelqu'un qui n'avait pas compris leur origine, par Jean Rush, qui était professeur à la Sorbonne et avant la guerre, après la guerre d'ailleurs, le directeur de l'Observatoire du Pic du Midi, au-dessus de Toulouse, et il les avait appelés grains de raisin. Et il avait dit, tiens, c'est très curieux, quand je regarde l'image d'une étoile, eh bien, il y a des grains de raisin, des petites taches lumineuses qui s'agitent et qui ressemblent à une grappe de raisin. Mais il n'avait pas donné l'explication et surtout, il n'avait pas vu que, en fait, c'était des résidus de l'information que l'atmosphère avait bien voulu laisser passer. Et Labéry, lui, fait l'étape suivante. Il dit, mais s'il y a ces grains de raisin dans les images, c'est donc que l'atmosphère ne détruit pas toute l'information qui nous vient des détails fins de l'étoile. D'une certaine manière, ces grains portent l'information et je vais proposer une méthode pour la retrouver. La récupérer. Voilà. Mais alors, ça veut dire que regarder suppose, enfin peut être fait de multiples manières. D'ailleurs, quelqu'un, j'ai oublié son nom, avait regardé la Lune avec une lunette avant Galilée, mais n'avait pas su voir ce que Galilée y a découvert. La façon de comprendre les images joue un rôle dans la quête que vous décrivez. Mais combien de gens, je vais vous raconter une histoire, très brièvement. Vous savez que avec une caméra obscura, hein, on peut faire l'image d'un objet et sur un écran. Hein, une chambre noire, avant même la photographie, permettait de faire des images. Vermeer et d'autres peintres utilisaient cette technique depuis longtemps. Eh bien, je me trouvais un jour à Rome, dans l'église Saint-Paul hors les murs. Il y avait un très beau soleil, il y avait un petit trou à environ 30 mètres du sol, dans un vitrail, sur le sol. Je vois une grande image du soleil due à la chambre noire que représentait cette église. Je sors une feuille de papier, sur l'image, il y avait des taches solaires. L'église a été construite au 4e siècle de notre ère. N'importe qui aurait non pas vu, mais regardé cette image, et qui aurait, se serait étonné de cette tache, serait revenu le lendemain, aurait vu qu'elle aurait bougé, il aurait découvert 10 siècles avant Galilée la rotation du soleil sur lui-même et l'existence des taches. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Pierre Léna, nous venons de parler de la première contribution d'Antoine Labeyrie. Et vous-même, comment est-ce que vous intervenez dans cette passionnante histoire que vous racontez en près de 300 pages dans ce livre plein de détails et de personnages intéressants? Oui, le livre est peut-être un peu long, mais j'ai voulu raconter une histoire qui s'est déroulée pendant le dernier demi-siècle, qui a transformé l'astronomie. Et quand on visite, comme je l'ai fait il y a quelques semaines, notre télescope européen au Chili, on voit l'impact de cette transformation. Et j'ai voulu raconter cette transformation avec ses acteurs. Et en particulier, à quel point l'Europe, et en particulier la coopération franco-allemande scientifique, a été motrice dans cette longue histoire. Donc il y a évidemment des personnages, il y a des Américains, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a Antoine Labeyrie, mais bien d'autres, beaucoup Anne-Marie Lagrange que nous avons cité, beaucoup d'autres, Guy Perrin qui fut un de mes brillants étudiants, et bien d'autres, et de montrer comment chacun a apporté une pierre au déroulement de ce processus créatif, qui a eu ses hauts et ses bas, ses difficultés. J'ai voulu donner un peu l'idée comment un projet scientifique, dont on ne voit souvent que le communiqué de presse et les photographies dans les journaux, comment il se déroule au quotidien dans la vie d'un laboratoire avec les tensions, les erreurs, les problèmes politiques, les questions de financement. Parfois le découragement, parfois l'exaltation. Tout à fait, hein, parce que c'est la vie. Et que la vie d'un laboratoire, elle est souvent mal connue. Alors, ces fameux grains de raisin dont on parlait à l'instant, qui apparaissent dans le flou créé par l'atmosphère quand on regarde des images qui viennent d'étoiles. Vous avez commencé par rentrer dans l'histoire en proposant un nom pour désigner ces grains de raisin qu'on appelait speckles en anglais. Voilà. Et alors, vous proposez tavelure. Oui, j'étais assez partisan de l'emploi de termes français quand on en avait, et on en a, et que quand un fruit a des taches, une poire qui est un peu mûrie au-delà du normal, eh bien, elle est tavelée. Donc, une tache de flou, observant une étoile avec ses grains de raisin, pourquoi ne pas appeler cela tavelure? Donc là, le terme est resté. Votre objectif, dès lors, devient de comprendre l'information contenue dans ces tavelures. On peut absolument dire les comme ça. Absolument. Mais votre passion pour l'astronomie, est-ce que vous êtes capable de la dater dans votre histoire personnelle? Tout à fait, oui. Avec une expérience d'enfant, j'étais dans les Pyrénées, c'était pendant la guerre, et une espèce d'émotion intense, mais incompréhensible, à l'âge de 6-7 ans, qui me prend devant la beauté de la couleur du ciel, le jour, le soir, la nuit. Une émotion intense, indicible, qui n'avait pas de rapport avec l'astronomie. Et je retrouve cette émotion beaucoup plus tard, mais évidemment avec des études de physique au lycée Janson de Sailly, avec des camarades, dont un au moins, François Rodier, est présent longuement dans ce livre, parce qu'il a été un des astronomes qui ont marqué le demi-siècle écoulé, avec des idées absolument remarquables. Et nous créons ensemble un club d'astronomie. Je vais observer les étoiles rue Serpente, près du carrefour de l'Odéon, où la veuve de Camille Flammarion faisait vivre en particulier la Société Astronomique de France à l'époque. Donc il y avait toute une imagerie autour de ça. J'y trouve beaucoup de bonheur, mais j'en trouve plus encore dans les mathématiques et la physique. Et je reviens à l'astronomie, finalement, après l'école normale, après l'agrégation, pour m'engager dans la recherche dans les années 60. Alors, on sait ce que veut dire résoudre un problème, mais que veut dire résoudre dans la bouche d'un astronome? Résoudre, ça veut dire regarder un objet avec un instrument, L'objet, ça peut être le soleil, ça peut être le disque d'une étoile, ça peut être l'environnement d'un trou noir, et y voir des détails grâce à des instruments perfectionnés, des télescopes de grande taille, une lutte contre les effets atmosphériques, voir des détails que personne n'a vus auparavant. Et interpréter ces détails. Alors, on connaît dans l'histoire de l'astronomie des interprétations abusives de détails. Par exemple, un astronome italien, Schiaparelli, avait affirmé que la planète Mars avait des habitants parce que lui voyait des canaux. Et comme il n'y avait pas de photographie à l'époque, ses dessins, il fallait les croire sur parole, si je puis dire. Ces canaux n'ont pas été confirmés, c'était des illusions du flou des images que Schiaparelli voyait. Voilà. Donc les détails, il faut les interpréter correctement, mais si on ne les a pas vus, évidemment, il n'y a rien à dire. Je vous propose, Pierre Léna, avant que nous partions dans la narration de cette aventure de l'optique adaptative, que nous écoutions un morceau de musique que vous avez choisi. Il a été composé par Georges Delerue. Pierre Léna, vous avez choisi Georges Delerue, un morceau qui s'intitule, je crois, Stellaire 1. Oui. Je devine un peu la raison de ce choix, mais j'aimerais que vous les commentiez davantage. Georges Delerue, compositeur connu, Jules et Jim et bien d'autres films, a écrit la musique de Tour du Monde, Tour du Ciel, dont nous parlions tout à l'heure, et qui m'a rapproché pour la première fois, mais pas la dernière, de Michel Serres. Et cette musique, composée pour le film, et je trouve extraordinaire en ce sens qu'elle évoque parfaitement le sentiment d'un homme, d'une femme, devant le ciel étoilé. Une sorte de sérénité, de profondeur, d'interrogation, sans réponse, mais qui nous introduit à une expérience tout à fait unique que trop de nos contemporains, et en particulier des enfants, des jeunes, ne rencontrent plus, qui est cette expérience d'être soi-même seul devant un ciel étoilé. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui l'humanité voit moins le ciel qu'auparavant à cause de toutes sortes de pollution lumineuse notamment ? Souvent, dans mon travail autour de l'enseignement des sciences, dans les écoles, avec la main à la pâte, je suis dans des écoles primaires ou des collèges, et j'interroge les enfants, en particulier dans les périphéries des villes, dans les banlieues, et je leur dis « Tu as déjà vu une étoile ?» Et beaucoup me répondent avec affirmation « Oui, bien sûr, à la télé. » Je dis « Mais non, une vraie étoile, dans le ciel, la nuit noire. » « Ah non, jamais. » Je trouve terrible que nos contemporains aient perdu ce rapport à une expérience fondatrice que Michel Serres aimait souvent à rappeler de notre rapport au cosmos. Et au grand récit que les scientifiques ont été capables de mettre sur pied grâce aux physiciens, aux astrophysiciens, aux chimistes et à beaucoup d'autres. Tout à fait. Alors, Pierre Lénard, je propose que maintenant nous entrions dans votre propre contribution à la mise au point de cette optique adaptative qui permet de voir le cosmos malgré les perturbations que l'atmosphère vient installer entre les objets qu'on veut voir et nos propres yeux. C'est une histoire qui est faite de coïncidences, de circonstances, comme souvent dans la vie. Hein. Dans les années 1970, je faisais tout autre chose dans mon travail de recherche astronomique. Et puis, j'ai été associé assez directement à la réflexion qui allait conduire à la construction du grand télescope au Chili. Et nous ne savions pas très bien à l'époque, ça se passait en Allemagne, puisque c'est là qu'est le cœur de l'observatoire européen austral. À l'époque, c'était 6 puis 8 pays européens, il y en a 14 aujourd'hui, donc c'est une institution qui a grossi, qui avait été faite à l'image du CERN, que vous connaissez bien, et qui était très ambitieuse dans ce qu'elle voulait construire. Donc, qu'est-ce que nous allons construire comme grand télescope européen? Est-ce que nous allons faire un miroir de 16 mètres ou 4 miroirs de 8 mètres 20, ce qui a été réalisé, ou 16 miroirs de 4 mètres, etc. Et donc, j'ai été associé à toutes les réflexions avec un tout petit groupe d'ingénieurs, opticiens et de collègues astronomes sur qu'est-ce que nous voulions faire. Et nous avons convenu que nous voulions combiner ces quatre grands télescopes, puisque quatre a été le choix final, de manière interférométrique, c'est-à-dire rassembler la lumière venant de ces quatre instruments, les plaçant à une centaine, c'est 130 mètres actuellement, sur le site du Chili, et les faisant travailler ensemble pour avoir l'équivalent d'un grand télescope de 130 mètres de diamètre. Équivalent non pas en capacité de rassembler la lumière, mais en capacité de voir des détails, ce qu'on appelle l'interférométrie. Et ça devenait concevable parce qu'Antoine Labéry, dans un second article en 1975, avait redonné à cette technique, née en France au XIXe siècle, puis reprise par un astronome américain, Homo Wilson, au-dessus de Los Angeles, et puis restée silencieuse pendant un demi-siècle, Antoine Labéry lui redonnait une faisabilité en 1975. Donc c'est son deuxième article c'est important. C'est son deuxième article, voilà. Et tout cela est sur la table, on est en 1980, on va construire ce grand télescope européen. Est-ce qu'on peut faire le pari de le faire fonctionner de cette manière-là? La réponse technique était oui, ce pari est ambitieux mais pas stupide. Mais nous butons sur un obstacle radical, ce sont ces fameuses images avec des grains de raisin. Il faut se débarrasser de ces grains de raisin pour que cela ait un sens, et je détaille cette affirmation dans le livre, pour que cela ait un sens de combiner ces quatre télescopes et d'obtenir, au miracle, l'équivalent d'un télescope. Mais qu'est-ce qui avait conduit au choix du site au Chili? Alors, le choix du site était, évidemment, s'imposait dans l'hémisphère sud, puisque c'était les statuts mêmes de cette institution. Dans l'hémisphère sud, les eaux étaient déjà présentes sur une autre montagne au Chili, qui s'appelle la Silla. Nous voulions mieux, donc nous avons cherché le site le plus transparent, et nous l'avons trouvé près de la cordillère côtière, à une dizaine de kilomètres de la côte du Pacifique, à 2600 mètres d'altitude. Et c'est là que finalement nous avons décidé d'installer ce télescope. Et ayant la perception très forte que si nous ne vainquions pas les grains de raisin, nous ne ferions jamais la combinaison interférométrique des quatre, et nous n'aurions donc pas un télescope de 130 mètres équivalent de diamètre pour voir les détails, alors il nous a fallu introduire une technique qui était proposée depuis près de 20 ans, mais que personne n'avait encore utilisée pour observer les étoiles, et nous avons eu la chance, dans une compétition amicale mais assez tendue avec nos collègues américains, d'aboutir les premiers en 1989. Ouais. Et alors, tout devenait possible. Compétition virile mais correcte, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les principes qui ont permis de résoudre ce problème ? Eh bien, les principes, si j'essaie de les résumer, c'est que une onde lumineuse qui vient d'une étoile arrive au-dessus de l'atmosphère de la Terre en très bon état. Pourquoi ? Parce qu'elle a propagé pendant quelques milliers ou centaines de milliers d'années dans le vide. Et le vide n'abîme pas la lumière de l'étoile. Et puis sur quelques dizaines de kilomètres, elle traverse l'atmosphère de la Terre avec son agitation, ses changements de température. Et quand elle arrive au télescope situé sur une montagne la plus haute possible, mais la plus haute possible, ça veut dire 2-3 kilomètres d'altitude, pas plus, elle est toute cabossée. Elle est pleine de creux et de bosses parce que la lumière est allée plus ou moins vite pour atteindre tel ou tel point du miroir du télescope. Et ce sont ces cabossages qui vont donner les fameux grains de raisin, le fameux flou des images. Est-ce qu'il y a un moyen de corriger ce cabossage, de décabosser l'onde ? Et si on décabosse l'onde, un terme que, au fond, je compare au travail du carrossier qui restitue la forme bien arrondie d'une carrosserie de voiture, eh bien, on va déflouter l'image qui était floue. Vous voyez, décabossé, déflouté. Alors, ceci est possible. C'est une technique qui avait été proposée par un Américain et par un Russe, indépendamment d'ailleurs à la fin des années 50, et que personne n'avait mise en œuvre. Et avec, en particulier, mes collègues de l'ONERA, en France, l'Institut de Recherche Aérospatiale, nous avons pu mettre cette technique en œuvre et en 1989 démontrer que oui, on pouvait déflouter une image. C'était une étoile double, c'était à l'observatoire Saint-Michel de Haute-Provence et tout d'un coup, au lieu d'avoir une patate informe sur le détecteur de lumière, le CCD, eh bien nous avons eu deux points lumineux parfaitement séparés, c'était l'étoile double. Ça veut dire l'optique adaptative. Vous avez obtenu la même image que celle que vous auriez obtenue si vous aviez été en dehors de l'atmosphère. Tout à fait. Alors comment est-ce qu'on décabosse cette image techniquement ? C'est-à-dire, quel est l'équivalent pour un astronome ou un opticien du travail que fait le carrossier que vous venez d'évoquer ? Je me suis donné, en écrivant ce livre, une obligation difficile et vous me mettez au pied du mur. Pas d'équation. Pas d'équation, pas de dessin, pas de figure, pas de schéma. Uniquement des mots et une expression aussi compréhensible que possible avec les mots de tous les jours. Donc, je n'ai pas de schéma. Donc, vous êtes entraîné à pouvoir dire ça à la radio. Voilà. Alors, la radio, évidemment, ajoute à la difficulté. Mais je pense que je peux dire à nos auditeurs que puisque cette onde qui arrive sur le grand miroir, mettons 8 mètres de diamètre, est pleine de trous et de bosses, elle est cabossée par l'avance ou le retard de la lumière, eh bien, c'est très simple. Si sur une petite partie du miroir, disons une tache, un cercle d'une dizaine de centimètres, l'onde est mettons en avance, eh bien, on va l'obliger à se réfléchir sur un miroir auxiliaire qui, lui, va introduire un retard. Et on va rattraper ce petit moment de retard ou d'avance. Si au contraire, elle est en retard, eh bien, on va l'avancer avec un miroir qui ira à sa rencontre, en quelque sorte. La commande doit être faite assez vite, mais disons 100 fois par seconde, ce qui est une cadence raisonnable. Et quand on fait ça, eh bien, on sort du miroir qui sert à réfléchir l'onde et qui est commandé par un ordinateur avec une onde qui est décabossée, qui est bien plane et qui va nous donner la belle image dans laquelle on va voir, par exemple, l'étoile double. Voilà le principe. Donc, on fait une sorte d'ajustement en temps réel qui gère exactement les avances et les retards des différents points de l'onde. Exactement, vous le résumez parfaitement. Mais alors, du coup, si cette technique marche, et elle marche, comme vous venez de le dire, elle entre en concurrence avec les télescopes qui sont installés sur des satellites. Alors quel est le critère qui fait qu'on décide de construire un observatoire sur Terre ou au contraire de l'envoyer dans l'espace? Eh bien, j'évoquais tout à l'heure le télescope Hubble qui nous a apporté, qui vole toujours, et qui nous a apporté des images extraordinaires du ciel. Il fait 2,40 m de diamètre. Le prochain, son successeur, qui sera lancé vers 2023, il s'appelle le James Webb Space Telescope. Il fera 6,40 m de diamètre. Ce diamètre a une importance parce que c'est lui qui détermine, hors toute perturbation de l'atmosphère, le flou limite des images, qui lui, là, est imposé par la diffraction de la lumière. Donc, plus le télescope est grand, plus cette limite physique, en quelque sorte, due à la diffraction de la lumière, est petite. Or, lancer un télescope de 6,50 m dans l'espace, c'est extrêmement coûteux et le JWST a déjà pris à peu près une dizaine d'années de retard par rapport à la date initiale que la NASA envisageait. Donc, mettre dans l'espace un télescope de 40 mètres, comme nous avons commencé à le construire au Chili comme successeur du VLT, c'est une tâche qui n'est pas impossible, mais dont le budget serait... absolument, aujourd'hui en tout cas, impossible à rassembler, même dans une opération très internationale. Donc il y a une sorte de renversement de l'histoire, puisque au départ on pensait qu'il fallait aller dans l'espace pour éviter les problèmes créés par l'atmosphère, et aujourd'hui c'est plutôt aller dans l'espace qui est un problème par rapport aux solutions qu'on trouve sur Terre. Absolument. Alors, il faut dire qu'on va dans l'espace pour observer des longueurs d'onde, par exemple les rayons X, qui sont inobservables depuis la surface de la Terre parce que l'atmosphère est totalement opaque. Mais dans le cas de la lumière visible ou infrarouge, où l'atmosphère est assez transparente, généreuse en transparence, eh bien, construire de très grands télescopes au sol équipés d'optiques adaptatives est la solution. C'est pour ça que les très grands télescopes, comme le 30 mètres que les Américains construisent à Hawaï ou le 39 mètres que l'Europe construit au Chili maintenant, j'ai visité le grand trou du site où on est en train d'en faire les fondations il y a quelques semaines, eh bien, c'est la résolution ultime que l'on peut faire avec un télescope unique, sachant qu'un interféromètre fera mieux. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Vous racontez cette histoire en détail dans votre ouvrage, Pierre Léna, une histoire de flou. Vous avez dit à l'instant que toute vie de chercheur est traversée par des moments de découragement, d'autres qui sont des moments d'exaltation. Est-ce que vous pouvez raconter un découragement et puis une exaltation? Un découragement, oui, parce que la proposition que nous avions faite au début des années 80 pour transformer le futur télescope européen avec ses quatre miroirs en interféromètre recueillait un grand scepticisme parmi beaucoup de mes collègues. Et au point qu'à un moment, c'était vers 84-85, je me suis dit, au fond... est-ce que j'ai vraiment des arguments pour engager notre pays, d'abord nos laboratoires, les jeunes étudiants qui travaillent avec moi, est-ce que j'ai des arguments assez solides pour ne pas emmener tout le monde dans une impasse? Et nous avions beaucoup de critiques autour de nous, des gens qui nous disaient « ça marchera jamais ». Des raisons qui étaient sensées, convaincantes, au point qu'elles vous ont fait douter? Dans la mesure où nous n'avions pas fait la preuve de l'optique adaptative, dans la mesure où la précision de construction que nous requérions était incroyable, puisque finalement, et c'est réalisé aujourd'hui, il fallait que la position relative des télescopes soit mesurée au nanomètre près. Alors, un nanomètre sur 100 mètres, ça fait quand même le 100 milliardième comme précision. Donc, tout ça était très ambitieux et ça n'a fonctionné, finalement, que grâce à des ingénieurs extraordinaires. Ce qui m'a guidé dans ces moments de découragement, en dehors de la chaleur humaine des relations avec quelques-uns de mes collègues qui me disaient « il faut te dire bon, nous tenons le bon bout », ce qui m'a guidé, c'est l'idée qu'il n'y avait pas de questions physiques inconnues fondamentales. C'est que quand on écrivait la description physique de ce qui allait se faire, il n'y avait pas d'inconnu finalement. Donc vous étiez rassuré par les équations? Voilà, exactement. Et ça, c'est quand même un guide dans les moments difficiles qui est très solide. Bon, il y a les copains, si je puis dire, les collègues, hein, et puis il y a les équations. Ça fait penser à l'expérience de Dirac, Paul Dirac, grand physicien britannique, qui a écrit une équation qui porte son nom, oui, en 1928, dont les solutions correspondaient à des énergies négatives. Et positron. Oui. Voilà, mais enfin, à l'époque, c'était pas encore le positron. Non, bien sûr. Qu'est-ce que ça voulait dire, des particules qui remontent le temps, etc. Et les collègues étaient sceptiques et même critiques et même méchants. Et lui tenait le coup en disant, j'ai confiance dans mon équation. Un jour, je comprendrai ce qu'elle veut dire. Pour l'instant, elle est plus intelligente que nous. C'est le vrai miracle de cette extraordinaire efficacité des mathématiques. C'est-à-dire qu'on écrit les choses et que si on les a écrites correctement, eh bien, il y a quand même une chance assez solide que la nature se conforme. Donc la confiance dans les mathématiques vous a permis de surmonter votre découragement. Tout à fait. Et l'exaltation. L'exaltation, alors là je citerai un autre moment qui est bien postérieur, ça se passe au Chili, à l'observatoire, l'interféromètre est installé, et nous faisons les premières observations du trou noir qui se trouve, qui fait environ 4 millions de masses solaires, et qui se trouve au cœur même de notre galaxie. Il porte un nom, Sagittaire A étoile, et il n'a toujours pas été observé de manière aussi précise que nous l'avons fait, par le projet du Extreme Horizon Telescope qui a fait l'image dont nous parlions tout à l'heure et laquelle a fait le tour du monde. Et je suis sur le télescope et j'observe l'environnement de ce trou noir et tout d'un coup, avec ce système que nous avions imaginé, puis qui a été construit par les ingénieurs brillants dont je parlais tout à l'heure, et puis qui est installé sur le télescope, et puis dans cette nuit magnifique de Cerro Paranal, sur le sommet de la montagne où est installé le VLT, tout d'un coup, je vois l'image augmenter d'intensité. Elle devient brillante, plus brillante, de plus en plus brillante. Ça nous était arrivé à quelques reprises avant, en particulier un de mes collègues de l'Observatoire de Paris, également membre de l'Académie des sciences, Daniel Rouen, avec qui j'ai beaucoup collaboré, hein, et nous avions appelé ceci des sursauts. Il y avait autour de ce trou noir, de temps en temps, des éclats de lumière. Et j'ai eu la chance, pendant l'heure d'observation où j'étais sur le télescope, de voir cet éclat de lumière surgir et puis disparaître. Cette lumière qui avait voyagé pendant combien de temps? Dans l'imagination, cette lumière avait voyagé à peu près 25 000 années-lumière. La distance au centre de la galaxie. La distance au centre de la galaxie. Elle représentait, on ne sait pas encore très bien d'ailleurs, interpréter ces sursauts de lumière. On sait que la matière qui en est à l'origine tourne autour du trou noir à une vitesse qui est de l'ordre du tiers de la vitesse de la lumière, vous voyez. Elle est en orbite autour du trou noir, et on a d'ailleurs une image dans laquelle on voit cette orbite, c'est sur une image, au sens fort du terme, obtenue par l'interféromètre. Et voilà, un bloc de matière qui tourne au tiers de la vitesse, 100 000 km par seconde, et qui vient d'émettre cette espèce de flash de lumière qui nous parvient au bout de 25 000 ans. Le tout dans. Mais vous êtes là au moment où ça se passe. Enfin, voilà. Lumière. Alors ça, je crois que c'est une expérience assez exaltante parce qu'il y a un rapport entre nous, petits cirons humains, et puis le cosmos qui est très mystérieux finalement. Mais est-ce que ça produit des effets psychiques? C'est-à-dire, est-ce que vous vivez tous les jours en pensant à ce trou noir qui est au centre de notre galaxie, qui a une masse colossale? C'est un objet banal, le trou noir. Est-ce qu'on vit avec l'idée qu'il y en a partout? Ou est-ce qu'on oublie leur existence? Non, mais il faut dire quand même, je suis un vieux retraité maintenant. Hein. Ça change rien. La science n'est plus mon quotidien, comme elle l'est pour mes jeunes collègues que j'ai cités tout à l'heure. Donc je vis avec beaucoup d'autres choses, d'autres préoccupations. Mais cette proximité à l'interrogation de l'univers, que je partageais beaucoup avec Michel Serre, il était fasciné par ces questions-là. Je pense qu'on vit avec quand même. Il ne nous est pas indifférent de savoir qu'il y a un cosmos, qu'il y a des trous noirs, mais moins indifférent encore, pour moi en tout cas, c'est que nous sachions que pratiquement autour de chaque étoile, non seulement de notre galaxie, mais de toutes les galaxies, il y en a des milliards dans l'univers, il y a des planètes. Et ces planètes, ben certaines ressemblent peut-être à la Terre. En tout cas, nous savons que certaines ont la masse de la Terre. Certaines ont des atmosphères, nous le savons aussi. Certaines, nous savons même qu'il y a de l'eau, du dioxyde de carbone dans ces atmosphères. Donc nous sommes plongés dans l'immensité d'un mystère. Et ça, je pense que c'est une expérience que nous pouvons partager, que j'espère parvenir à partager grâce à vous avec tous les auditeurs aujourd'hui. C'est une expérience très fondatrice pour l'humain. Mais vous avez quand même de la chance, Pierre-Hénin. Vous avez vécu cette 50 ans d'histoire de l'astronomie au cours de laquelle une révolution s'est produite, cette invention de l'optique adaptative et de l'interférométrie. Et vous avez aussi assisté, comme beaucoup, à la détection des premières ondes gravitationnelles qui sont une nouvelle forme d'astronomie. Tout à fait. C'est plus la lumière qui est le vecteur, mais des espèces de vibrations de l'espace-temps. Comment est-ce que vous avez vécu cette apparition d'une nouvelle forme d'observation de l'univers ? On en parlait depuis longtemps. J'ai publié pour mes étudiants de troisième cycle, le master, on dirait aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, mon cours d'astrophysique qui s'appelait « Méthode d'observation en astrophysique ». Et où j'esquissais toutes ces nouvelles méthodes, parmi elles l'interférométrie, bien sûr. Mais j'ai relu, après cette observation, le morceau de mon cours qui parlait des ondes gravitationnelles. Je m'étais renseigné auprès de collègues qui étaient déjà sur ce chantier-là, et nous rêvions du jour où cette observation aurait lieu. Eh bien, elle a eu lieu à peu près 25 ans après, et elle a effectivement la capacité de transformer l'astrophysique de demain, d'après-demain, par de nouvelles ondes porteuses d'informations. On voit des objets grâce à elles qui n'émettent pas de lumière. Oui, ou qui en émettent dans des circonstances explosives, disons particulières, mais surtout dans lesquelles les échanges d'énergie sont à des ampleurs où la matière E égale MC2 se transforme en énergie, hein, avec des processus qui étaient jusqu'à maintenant pratiquement inaccessibles. Qu'est-ce que vous attendez des prochaines années en termes d'observation ? Alors, soit par des télescopes optiques, différentes longueurs d'onde, ou bien par ces nouveaux détecteurs d'ondes gravitationnelles ? Ah, ma curiosité personnelle, et j'espère voir ça encore un peu, mais je suis certain que nos jeunes étudiants le verront au cours du siècle en cours, c'est l'image de la surface d'une exoplanète. La surface d'une exoplanète, on peut imaginer déjà qu'elle a des continents, qu'elle a des océans, qu'elle a peut-être des forêts et des saisons. Et les forêts changent de couleur avec les saisons. Et tout ça n'est pas inaccessible. On peut aujourd'hui, en s'appuyant sur les mêmes mathématiques et la même physique, dire que cela sera possible avant la fin du siècle avec des instruments qui seront coûteux, qui seront placés dans l'espace, qui demandent à nouveau quelques dizaines d'années de développement dans la suite de cette histoire de flou que j'ai racontée. Et je crois que le jour où on publiera l'image de la surface d'une exoplanète, et il y a une exoplanète toute proche, l'étoile la plus proche de la Terre, qui s'appelle Proxima du Centaure, eh bien on a découvert une exoplanète autour d'elle. Le jour où on publiera cette image, ça sera un choc culturel majeur pour l'humanité. Comme si on voyait d'autres terres, presque. Eh bien, ce sera peut-être d'autres terres, au moins au sens de la masse de l'objet, hein, de sa dimension, 10 000 km de diamètre. Oui. Il y aura évidemment les grandes interrogations à venir, au-delà, qui seront probablement pas, ou peut-être, qui sait résolu au cours de ce siècle, hein, y a-t-il de la vie ? Quelle forme de vie ? Ce sont des questions difficiles sur lesquelles travaillent beaucoup de gens aujourd'hui. Nous ne savons pas si nous répondrons à cette question. Mais le fait d'avoir déjà des milliers et bientôt des dizaines de milliers d'objets semblables à nos planètes du système solaire, et en particulier notre Terre, place notre existence dans l'univers d'une manière différente. Je sais, Pierre-Hénin, pour vous y avoir presque croisé, que vous étiez récemment au Chili, non pas pour faire des observations, mais pour vous intéresser à l'éducation autour des problèmes climatiques. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous saisir de ce sujet qui n'est pas directement un sujet d'astronome. Tout à fait, mais c'est de la belle physique quand même. C'est bien l'astronomie d'une certaine façon, puisqu'on sait... C'est de la très belle physique, et puis l'astronomie a été quand même la science qui a apporté la réponse à la cause des glaciations terrestres. Hein. C'est parce que les variations à la fois de l'orbite de la Terre et de l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son orbite explique le changement des saisons, de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et la présence de ces grandes glaciations, dont la dernière s'est terminée il y a moins de 20 000 ans. Donc, ce rapport entre astronomie et climat. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment motivé. Ce qui m'a motivé, c'est l'idée que je m'étais quand même occupé beaucoup de l'espace, de ce qui était loin de la Terre, et qu'aujourd'hui, la Terre avait peut-être besoin qu'on s'occupe d'elle. Et le problème climatique, conjugué à l'expérience que la main à la pâte m'avait donnée sur les questions éducatives, je me suis dit, il y a de la science autour de l'éducation des jeunes, mais il y a aussi de la science dans le climat. C'est la science qui nous dit que le réchauffement climatique est une réalité, qui est bientôt une menace et qu'il y a une urgence. Elle nous permet de calculer même les éléments de cette urgence. Alors, ça mérite de s'engager sur ce sujet. Alors, comment le faites-vous? Quelles sont vos actions, notamment auprès des écoles, des jeunes? Eh bien, ce que j'ai pu mesurer en France, mais beaucoup dans différents pays du monde, aux États-Unis bien sûr, hein, et on en connaît la traduction politique, mais en Amérique du Sud, le Chili où nous étions récemment ensemble, en Afrique, en Asie du Sud-Est, j'ai pu mesurer partout à quel point nos professeurs, les professeurs, hein, mais c'est vrai en France aussi, sont démunis devant la complexité de ces questions climatiques. Certains leur disent, les scientifiques sont pas d'accord, c'est peut-être pas vrai, on noircit la situation, ça sera pas aussi dangereux qu'on le décrit, les migrants climatiques, c'est pas vrai, ils viennent parce qu'ils veulent partager notre richesse et ils viennent pas parce que ils ont des famines ou des désertifications de leur pays, comme au Soudan où j'étais récemment. Donc, je me suis dit, il faut donner aux professeurs des outils. Et j'ai travaillé récemment, grâce au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, à mettre au point, avec tout un groupe, le nouveau programme de terminale dans lequel les questions climatiques, dans le nouveau lycée, à partir de l'année prochaine, vont avoir une place majeure. J'ai trouvé ce travail passionnant et je me suis dit, il faut que nous donnions à la jeunesse, grâce aux professeurs, des structures de pensée qui leur permettent de comprendre et de résister aux pensées trop approximatives ou aux affirmations qui courent sur les réseaux sociaux, qui soient capables de comprendre que le changement climatique est une réalité, qu'il faut l'analyser avec des outils scientifiques, mais que ce n'est pas une fatalité qui nous condamne au malheur ou, comme on le dit beaucoup, à la sixième extinction où l'humanité disparaîtrait. Non, ça c'est pas sérieux. Il faut leur donner un esprit critique scientifique et aussi l'espoir au cœur. Pierre Léna, vous vous définissez comme retraité, mais j'ai l'impression que vous ne vous arrêterez jamais. Ben, Dieu en jugera. Hein. Après avoir passé 40 ans à résoudre les problèmes créés par l'atmosphère en astronomie, vous vous intéressez maintenant, si j'ai bien compris, aux problèmes de l'atmosphère elle-même. Tout à fait. À cause notamment des gaz que nous diffusons en son sein. Mais pas vraiment sous l'angle scientifique, parce que je ne suis pas climatologue, mais sous l'angle de l'éducation et d'aider la jeunesse à être mieux préparée à ce qu'il attend au XXIe siècle. Ça sera le mot de la fin. Merci Pierre Léna. Je recommande à tous et à toutes la lecture de votre livre « Une histoire de flou, miroir, trou noir et autre monde » dans lequel vous racontez en détail cette histoire absolument passionnante. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Emmanuel Couturier et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.